dernière fois. Pour la dernière fois, je veux encore te voir heureuse auprès de moi. Pour la dernière fois, pour la dernière fois, pour la dernière fois, je veux te sentir amoureuse au creux de moi, comme là, oui, la première fois. Pauvres amants, esclaves d'un passé, nous avons cherché la lumière, de faux semblants en rêves écrasés, et l'amour garde ses mystères. Amants qui après nous naîtraient à ce matin de lumière. Ayez garde de vous moquer de mon chemin solitaire. Pour la dernière fois, pour la dernière fois, je veux encore t'entendre rire auprès de moi. Pour la dernière fois, pour la dernière fois, pour la dernière fois, je veux encore te voir sourire au cœur de moi, comme là, oui, la première fois, pour la dernière fois, pour la dernière fois, je veux encore te voir heureuse auprès de moi, pour la dernière fois. La dernière fois, pour la dernière fois, je veux te sentir amoureuse au creux de moi, comme là, oui là.